Une faiblesse musculaire, l'engourdissement d'un membre, du visage, des mots qui échappent, la difficulté à parler, voire la perte de vision, d'un œil, autant de signes qui indiquent vraisemblablement la survenue d'un AVC, un accident vasculaire cérébral, et la nécessité d'une prise en charge immédiate par des services médicaux d'urgence. Les AVC sont aujourd'hui la première cause de handicap acquis chez l'adulte et sont considérés par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, comme une pandémie en constante augmentation qui pourrait atteindre plus de 23 millions de cas par an d'ici 2030. AVC, un accident si vite arrivé, c'est le problème auquel nous allons nous atteler dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui autour de la table de la méthode Stéphanie Debette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'épidémiologie à l'Université de Bordeaux, praticienne hospitalière en neurologie au CHU de Bordeaux également, directrice de l'équipe maladies vasculaires et neurologiques, épidémiologie intégrative et génétique au centre INSERM U12-19. Et également Jean-Louis Mas, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de neurologie à l'Université Paris-Descartes, chef du service de neurologie de l'hôpital Sainte-Anne à Paris, chef de l'équipe de recherche INSERM 894, accidents vasculaires cérébraux déterminants du pronostic et apport de l'imagerie, et ce n'est pas rien de le préciser, président de la Fondation pour la recherche sur les AVC. Voilà, vous pouvez nous suivre et suivre cette émission comme tous les jours sur les ondes de France Culture en direct, ainsi qu'en parallèle via notre fil Twitter, où nous postons tout au long de l'heure des études, des illustrations, un certain nombre de liens vers les choses que nous évoquons à l'antenne. Voilà, c'est en vous abonnant au compte @laméthodefc. Alors pour commencer, peut-être si l'OMS parle de pandémie, c'est parce que l'augmentation du nombre de cas recensés est vraiment significative ces dernières 10, 20, 30 ans. Je ne sais pas qui veut répondre, Jean-Louis Mas. Il y a une augmentation, c'est un peu complexe, il y a une augmentation du nombre de cas indiscutablement. Il y a dans les pays en voie de développement une incidence qui augmente du fait de la westernalisation de ces pays, prennent les mauvaises habitudes des pays occidentaux, et puis surtout il y a une augmentation de l'espérance de vie. Or, comme le risque d'avoir un accident vasculaire augmente avec l'âge, le nombre augmente, bien sûr, automatiquement, alors même que dans certains pays, l'incidence peut diminuer. Donc globalement, on a une augmentation du nombre de patients atteints d'AVC. Est-ce que c'est aussi lié à un meilleur diagnostic? C'est-à-dire que avant d'être un AVC, on parlait d'attaque, de congestion cérébrale. On recoupait un peu plusieurs types de pathologies avant de bien pouvoir l'identifier. Stéphanie Debette? Oui, absolument. C'est aussi une partie de l'explication. En effet, la capacité de diagnostiquer les AVC s'est énormément améliorée dans les dernières années, avec une plus grande disponibilité également des outils d'imagerie, et notamment de l'IRM cérébral, qui permet maintenant de détecter de tout petits accidents vasculaires cérébraux qui n'étaient pas identifiables aussi bien au préalable par d'autres techniques d'imagerie. D'ailleurs, ça remonte à quand cette terminologie d'AVC pour Jean-Louis Mas? Alors là, vous me posez une question à laquelle je ne vais pas savoir. J'ai pas trouvé. Vous voyez, vous n'avez pas trouvé, je ne sais pas non plus. Non, l'accident vasculaire cérébral, c'est probablement très ancien, mais... Je pense qu'encore au 19e siècle, on parlait de congestion cérébrale, on parlait de termes de ce type-là, d'apoplexie, d'attaque, etc. Le terme d'attaque est maintenu dans certains pays. Par exemple, dans les pays anglo-saxons, le terme accident vasculaire cérébral, c'est stroke, qui veut dire attaque et qui a l'objectif de bien montrer le caractère très soudain d'installation des symptômes, qui est le signe clé de cette maladie. Alors, qu'est-ce que c'est finalement qu'un accident vasculaire cérébral? Parce qu'on parle d'un AVC, mais ça regroupe deux types de pathologies distinctes. Oui, absolument. Stéphanie Debette. Absolument. Donc, la majorité des accidents vasculaires cérébraux sont dits ischémiques, c'est-à-dire dus à l'occlusion d'une artère cérébrale, alors qu'une proportion plus faible, environ 15 à 20% dans les pays occidentaux, est due à une hémorragie cérébrale, c'est-à-dire au saignement d'un vaisseau intracérébral. Donc cette proportion est variable d'un pays ou d'un continent à l'autre, et dans certains pays, notamment asiatiques, la proportion des hémorragies cérébrales est plus importante, par exemple. C'est-à-dire aujourd'hui, en termes épidémiologiques, en Europe occidentale, c'est 85-15 à peu près, c'est ça? À peu près, absolument, oui. Néanmoins, ce sont deux phénomènes physiopathologiques différents, mais qui ont la même source, Jean-Louis Mas. la même source, les causes non sont, les causes sont différentes. Des facteurs de risque peuvent être communs, comme par exemple l'hypertension artérielle est un facteur de risque qui est commun à l'infarctus cérébral et à l'hémorragie cérébrale. Mais les causes globalement sont différentes. Les causes de l'infarctus cérébral, ce sont des maladies qui vont favoriser la formation d'un thrombus, d'un caillot sanguin qui va migrer dans la circulation cérébrale et s'arrêter lorsque la taille de l'artère est plus petite que le diamètre est plus petit que le caillot lui-même. Et donc il y a des maladies artérielles, des maladies cardiaques, des maladies du contenu sanguin qui favorisent la formation de ce caillot. Alors que dans les hémorragies, comme le disait Stéphanie, c'est la rupture d'un vaisseau qui est malade du fait d'une maladie artérielle. Il y a des maladies artérielles bien caractérisées qui provoquent des hémorragies à l'intérieur du cerveau, mais ça peut être aussi des maladies, des artères qui sont à la surface du cerveau, comme les anévrismes, ou comme les malformations artério-veineuses qui, elles, sont plus dans la profondeur du cerveau, et dont la rupture, qui touche les plus jeunes, et dont la rupture provoque une hémorragie, soit à l'intérieur du cerveau, on appelle ça une hémorragie cérébrale, soit autour du cerveau, on appelle cela une hémorragie méningée. Ça veut dire que les ruptures d'anévrisme sont des causes d'AVC, en fait. Est-ce qu'on peut le formuler comme ça? Oui, au sens de l'AVC, de l'OMS, c'est tout à fait, c'est une cause d'AVC, absolument. Alors peut-être, vous l'avez dit à l'instant, au tout début de cette émission, Jean-Louis Mas, la westernisation ou la transformation des habitudes de vie vers le mode de vie occidental augmente les causes d'AVC dans des pays qui ne les avaient pas auparavant. Aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait dire que ces AVC, c'est un mal essentiellement des pays dits du Nord? Est-ce que c'est un mal occidental? La différence épidémiologique de nombre d'AVC dans la population est plus grande? Je dirais même que la grosse partie de l'augmentation du nombre d'accidents vasculaires cérébraux provient des pays en voie de développement. Précisément parce que leur espérance de vie augmente. Et puis parce que ils mouraient autrefois d'infections ou d'autres maladies que l'on rencontrait dans ces pays et que l'on rencontre toujours. Mais là, ils sont exposés de plus en plus à l'hypertension artérielle, au diabète, à l'obésité, au tabac, bien évidemment. Facteur de risque qu'ils connaissaient moins auparavant. Et donc, c'est un facteur d'augmentation avec l'augmentation de l'espérance de vie, de l'incidence et de la prévalence des infarctus, et des hémorragies aussi dans ces pays. Parce qu'il faut peut-être préciser, Stéphanie Debette, que les AVC touchent très largement et très majoritairement des personnes plutôt âgées. Quel est le rapport? Quels sont les chiffres dont on dispose? Oui, absolument. Je dirais que l'âge moyen de survenue des AVC est d'environ 75 ans, grosso modo. Mais il faut savoir malgré tout que les AVC peuvent aussi survenir à un âge plus jeune. Et donc, oui, environ une vingtaine de pourcents des AVC surviennent maintenant avant l'âge de 55 ans environ. Donc, c'est un cas sur 5, ce qui n'est pas rien. Absolument, absolument. Et donc, et les causes des AVC chez les personnes plus jeunes sont parfois un peu différentes de celles de la personne âgée, même s'il y a des causes communes. Alors quelles seraient-elles justement les causes chez les personnes plus jeunes? Alors, quelles sont les causes? On va peut-être faire d'abord les causes principales, c'est-à-dire les facteurs d'aggravation et les causes principales, et puis ensuite on verra les cas particuliers. D'accord. Alors je crois que Jean-Louis Mas avait déjà abordé un petit peu les principales causes. On peut prendre le temps de les redire. D'accord. Des AVC. Alors d'abord pour commencer par la forme la plus fréquente que sont les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, les infarctus cérébraux. Il y a trois causes principales dans l'ensemble. La première étant l'athérome des grosses artères, donc des dépôts, si on veut résumer un peu, lipidiques sur les parois des artères. C'est-à-dire du gras, en fait, sur les artères. Absolument, ouais. Et qui va conduire à des turbulences dans le flux sanguin et la création d'un thrombus en regard de cet athérome qui va ensuite migrer en distalité et bloquer une artère. Un thrombus étant un caillot. Absolument, un caillot sanguin, tout à fait. Voilà. Ouais. La deuxième cause, parmi les trois plus fréquentes, est d'origine cardiaque. Donc, il peut aussi y avoir des anomalies au niveau du rythme cardiaque en particulier, donc la fibrillation auriculaire étant une des principales causes, qui conduisent à des turbulences du flux sanguin au niveau cardiaque et à nouveau à la constitution d'un caillot sanguin qui va migrer en aval et boucher une artère cérébrale. Et la troisième cause parmi les plus fréquentes est la maladie des petites artères cérébrales qui est due à des modifications de la structure et de la fonction des petites artères distales intracérébrales et dont les mécanismes sont de mieux en mieux connus, mais encore mal appréhendés par rapport à ceux des deux autres causes et sans traitement spécifique à l'heure actuelle. Et puis, pour revenir au sujet jeune, alors ces trois causes existent évidemment également chez la personne jeune, mais il y a d'autres causes qui surviennent plus spécifiquement chez les personnes jeunes. Et une d'entre elles, la plus souvent rencontrée, et ce sont les dissections des artères cervicales en particulier, qui consistent en la survenue d'un hématome dans la paroi d'une artère cervicale. Mmh. Mais qui surviendrait comment? Par choc, traumatique ou... Alors, c'est les facteurs traumatiques ont un rôle favorisant. Dans l'immense majorité des cas, ce sont des traumatismes mineurs du quotidien, mais qui... pour une raison qu'on ne connaît pas encore très bien, peuvent à un moment donné conduire à une dissection. Alors, il y a d'autres facteurs qui peuvent contribuer à la survenue de cet événement, donc notamment des facteurs infectieux et probablement une prédisposition génétique. Mmh. Alors, on va le voir, effectivement, pour revenir sur les trois principaux facteurs d'AVC, on entend, si je comprends bien, je parle sous votre contrôle évidemment, Jean-Louis Masque, il y a deux facteurs qui sont essentiellement entre guillemets environnementaux, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup liés à la qualité de vie et à la nature du rapport à l'existence, c'est-à-dire des problèmes d'hypertension artérielle, de mauvaise consommation alimentaire, de manque d'activité physique et d'autres qui seraient plus d'ordre génétique. Oui, tout à fait. Pour les trois grandes maladies que sont l'athérosclérose, en commençant par l'athérosclérose, hein, qui est en définitive l'équivalent sur les artères de gros calibre et moyen calibre qui irriguent le cerveau, l'équivalent des maladies des artères coronaires. Mmh. Donc ce sont les mêmes facteurs de risque. C'est l'hypertension, le diabète, l'hypercholestérolémie. Les traitements d'ailleurs sont les mêmes que les cardiologues. Dans ces cas-là. Ouais. Et puis, c'est la première grande cause. Hein. La deuxième grande cause, la maladie des petites artères, enfin deuxième ou troisième, ça dépend. C'est 20-25% chacune, donc c'est assez simple. C'est une maladie dont on connaît moins bien l'origine. Hein. Les artères carotides, vous voyez, les artères sur lesquelles se forme l'athérosclérose sont les artères qui font quelques millimètres de diamètre, jusqu'à 10-12 pour la carotide, par exemple, au maximum. Alors que les maladies des petites artères, ce sont des artères de quelques centaines de micromètres. Mmh. Et les principaux facteurs de risque, c'est le vieillissement, l'hypertension artérielle, mais on ne connaît pas parfaitement les mécanismes. Elles sont beaucoup plus difficiles à étudier du fait de leur... petit diamètre et de leur localisation. Ouais. Quant aux maladies, aux cardiopathies qui peuvent provoquer un accident vasculaire, ce sont celles où un thrombus peut se former dans le caillou, peut se former dans le cœur. Stéphanie rappelait la fréquence de la fibrillation atriale ou auriculaire, qui est vraiment une maladie fréquente et sur laquelle on peut intervenir avant le premier AVC, parce qu'on peut la découvrir avant. Ça, c'est assez rare de trouver une cause avant le premier AVC. Et puis, il y a les cardiopathies ischémiques ou liées à l'hypertension artérielle, qui sont encore une fois, avec les mêmes facteurs de risque, c'est pour ça que vous avez tout à fait raison en disant cela. Et puis, il y a des cardiopathies plus rares, que sont les maladies valvulaires, mais qui, elles aussi, sont liées au vieillissement dans nos pays. C'est plus le rhumatisme articulaire aigu qu'on voit dans les pays en voie de développement. Dans les pays développés, c'est plus des rétrécissements aortiques calcifiés, des maladies de ce type-là, qui sont liées, elles aussi, au vieillissement et à l'hypertension artérielle, aux facteurs de risque. Donc effectivement, elles sont toutes autour de ces facteurs de risque. Et les AVC sont d'ailleurs considérés comme une maladie cardiovasculaire, plus ou moins. Oui, c'est une maladie neurocardiovasculaire. Voilà. Quand on cherche les causes de mortalité, les AVC sont classés dans les maladies cardiovasculaires. C'est terminé à partir de cette année, pour l'OMS, qui va maintenant avoir une catégorie propre pour l'accident vasculaire cérébral. Parce que si certaines causes sont communes... Vous voyez, il y a une grande différence par rapport à l'infarctus myocarde. C'est l'infarctus myocarde a quand même une cause principale qui est l'athérosclérose. Certes, il peut y avoir des embolies dans les coronaires ou des maladies rares, mais c'est quand même la grande cause de l'infarctus du myocarde. Alors que pour l'infarctus cérébral, il y a une multitude de causes. On vous a cité les trois premières, une quatrième pour les sujets plus jeunes, mais le nombre dépasse la centaine. Donc en termes de causes, c'est beaucoup plus divers que l'infarctus du myocarde. Et deuxième élément très important, c'est que l'organe cible n'a strictement rien à voir. Le cœur est un muscle très important, hein, pas le nier, mais l'organe cible de l'accident vasculaire est le cerveau, et c'est un problème un petit peu complexe, plus complexe sur le plan thérapeutique. Une dernière question pour bien faire le tour de ces différents AVC et de leurs différentes causes. On ne les a pas toutes citées, comme vient de le rappeler Jean-Louis Masque, mais il y a donc également sur certaines formes d'AVC des facteurs génétiques qui sont établis. On a réussi à en déterminer un certain nombre assez récemment, Stéphanie Debette. Oui, alors je pense qu'il faut faire la différence entre des accidents vasculaires cérébraux qui sont causés par une maladie génétique, et donc c'est une très petite minorité des accidents vasculaires cérébraux qui sont donc dus à des maladies héréditaires, à transmission familiale. Alors ils sont très peu nombreux, mais ils sont importants à connaître parce qu'ils permettent d'apporter des informations sur les mécanismes de survenue des AVC et d'apporter aussi des pistes thérapeutiques. Donc en revanche, ce qui est peut-être plus récent dans les connaissances sur la contribution génétique aux accidents vasculaires cérébraux, c'est que dans l'immense majorité des cas des AVC qui ne sont pas survenus dans le contexte d'une maladie familiale, il y a aussi une contribution de facteurs de risque génétiques. Alors chacun de ces facteurs de risque contribue peu au risque de survenue de l'AVC, mais de façon cumulée, il joue un rôle important, il contribue de façon importante au risque, au même titre que les facteurs environnementaux. Et en effet, récemment, grâce à une approche collaborative... Une cohorte très très importante, une cohorte de plus de 32 000 patients, je crois. Oh, plus que ça. Alors 520 000 personnes, dont 67 000 patients atteints d'accident vasculaire cérébral, ont été donc assemblés dans le cadre d'une étude qu'on appelle d'association génétique internationale qui émerge d'un consortium international. Et cette grande étude a permis de mettre en évidence, en effet, 32 régions du génome qui sont associées à un risque accru de présenter un accident vasculaire cérébral et apportant donc de nouvelles pistes très intéressantes sur les mécanismes biologiques sous-jacents. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15 sur France Culture, nous parlons des accidents vasculaires cérébraux tout au long de cette heure en compagnie de Stéphanie Debette qui est professeure d'épidémiologie et Jean-Louis Mas, professeur de neurologie. Alors on a fait le tour de ce qu'étaient ces accidents vasculaires cérébraux sur un plan strictement médical. Peut-être un mot important également sur la prévention et la nécessité de rapidité de réaction en cas de symptômes. On l'entend beaucoup dans toutes les campagnes de prévention. Les symptômes d'un AVC, ils sont multiples, ils demandent une réaction immédiate, extrêmement rapide. Est-ce que vous pouvez peut-être l'un et l'autre rappeler quels sont ces principaux symptômes et à quel moment il faut avoir vraiment le réflexe d'avoir immédiatement recours à des services d'urgence ? Alors vous les avez rappelés en introduction, hein, je crois qu'ils étaient tout à fait complets, hein, c'est une diminution de la force musculaire, une paralysie, un engourdissement du bras ou de la jambe, souvent du même côté du corps, hein, ce qu'on appelle une hémiplégie. Ça peut être une asymétrie du visage, qui est aussi une paralysie hein, d'une partie d'une hémiface. Il peut s'agir de troubles visuels d'un côté ou de l'autre du champ visuel, ou d'un œil ou de l'autre. Il peut s'agir de troubles du langage, soit des difficultés d'expression, soit des difficultés de compréhension. Et puis un cas particulier pour les hémorragies méningées, c'est une céphalée extrêmement brutale, comme un coup de tonnerre. Un mal de crâne très explosif. Voilà, explosif. Voilà, le coup de tonnerre qui doit évoquer ce diagnostic d'hémorragie méningée. Ce ne sera pas toujours une hémorragie méningée, mais ça doit l'évoquer et amener à la rechercher. Et c'est vraiment un mal de tête qui est très différent de céphalée que nous avons tous de temps en temps. Alors, l'élément vraiment très important de ces symptômes, parce qu'il y en a d'autres, hein, il peut être plus varié que ça, mais c'est vraiment les principaux, c'est vraiment la soudaineté d'installation. C'est ça qui fait le diagnostic. Et ce qu'il faut faire à tout prix, c'est de ne pas du tout avoir cette attitude qu'on a tous, qui consiste à dire « je vais attendre un peu, voir si ça passe ». C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. La conduite à tenir, c'est immédiatement d'appeler le 15, car il y a en définitive assez peu de temps pour essayer de contrecarrer ce qui est en train de se passer. Et cette attitude, il faut la garder aussi si les symptômes sont en train de disparaître. Vous voyez qu'au bout de quelques minutes, eh ben, tout est rentré dans l'ordre. Surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de dire « j'en parlerai à mon médecin la semaine prochaine, car je le vois pour mon hypertension artérielle ». C'est exactement la même chose, ça s'appelle un accident ischémique transitoire. Oui, on va en parler dans un instant. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais l'attitude doit être la même. Ce qu'il faut bien comprendre, et on va y revenir, mais Stéphanie Debette, c'est qu'effectivement, la fenêtre d'intervention est très courte. Et c'est pour ça qu'il faut réagir immédiatement. Oui, absolument. On dit en anglais « time is brain ». Le temps, c'est le cerveau. Le temps, c'est le cerveau, absolument. Donc, plus on agit vite et plus les chances de récupération sont élevées. C'est un message essentiel. C'est-à-dire qu'elle de combien de temps, cette fenêtre d'intervention, à peu près? Alors, Oui, il faudrait donner des chiffres courts pour inciter les personnes à se présenter rapidement, enfin, ou à consulter rapidement et à faire rapidement appel au secours, parce que je crois que si on donne des... En effet, je dis ça parce que les dernières études suggèrent qu'on peut aller un peu plus loin qu'on ne le pensait jusqu'à présent dans les délais d'intervention, et notamment d'intervention par voie endovasculaire, par des techniques... C'est-à-dire en rentrant directement... De cathéter, voilà, qui vont chercher le thrombus et l'extraire ou le dissoudre. Donc c'est assez variable en fonction d'un certain nombre de paramètres, et en particulier de paramètres qui sont lisibles sur l'imagerie cérébrale et qui permettent, en fonction, lorsque le délai est un peu avancé, de voir s'il y a encore... une zone de tissu cérébral récupérable. On comprend bien que vous voulez pas... Il s'agit de quelques heures. Il s'agit de quelques heures pour donner un ordre de grandeur, tout en sachant et tout en précisant bien que plus on intervient rapidement et plus les chances de récupération sont vraiment exponentiellement meilleures. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut bien, pour bien comprendre les progrès thérapeutiques dans ce domaine, il faut rappeler une chose très rapidement, c'est que l'infarctus cérébral est dû, comme on l'a vu tout à l'heure, principalement une occlusion artérielle, une obstruction par un caillot, un thrombus, et que dans la zone qui est normalement irriguée par cette artère cérébrale, on peut distinguer deux zones. Une zone où le débit sanguin va être très très faible et où les cellules vont mourir très très vite, ce qu'on appelle le cœur de l'infarctus, et autour, schématiquement autour, une zone où l'apport sanguin est insuffisant pour que la cellule fonctionne, et donc provoque une paralysie ou un autre symptôme, mais cette zone est récupérable. Elle peut revenir à une fonction normale si intervient une revascularisation du vaisseau. Tant que la revascularisation n'est pas faite, la zone d'infarctus va gagner progressivement sur la zone dite de pénombre. Et donc, les délais, pour vous compreniez bien la modification de pensée qui s'est faite autour de cela récemment, c'est qu'auparavant, on se servait uniquement de la thrombolyse par voie intraveineuse. On injectait un produit qui dissolvait le caillot, on l'injectait par voie veineuse, et le délai d'efficacité, c'était 4h30. Puis il y a eu la thrombectomie qui est arrivée en 2015, vous voyez, c'est tout récent. Et le délai est passé à 6 heures. La thrombectomie, c'est donc quand on passe par les canaux pour enlever de manière mécanique le caillot. On va retirer mécaniquement le thrombus en passant par une artère. Donc ça, c'était un délai de 6 heures. Et puis, cette année, il y a eu de nouvelles études, et encore tout récemment, au congrès où on était tous les deux récemment, où on s'aperçoit que ce critère lié au délai pourrait être et sera peut-être remplacé par un délai plutôt de type tissulaire. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a encore du tissu à sauver, même si on a dépassé les délais de 4h30, 6h, etc., et jusqu'à 24 heures, semble-t-il, dans des cas très particuliers aujourd'hui, la thrombectomie peut être salvatrice. Donc, ce critère qui était un critère temporel est en train de passer vers un critère tissulaire. C'est pour ça que c'est un petit peu difficile aujourd'hui. L'année dernière, ou il y a quelques années, on pouvait vous dire 4h30, après, c'est fichu. Là, c'est plus le cas. Ce qui est à la fois bon signe, et tout en rappelant qu'évidemment, plus on intervient vite... Vous avez raison. Bien sûr. Moins il y a de neurones qui meurent et de façon effective, et donc plus les chances de récupération. Et on va reparler tout à l'heure de la plasticité cérébrale, de la reconstruction synaptique. On y reviendra, mais il y a quelque chose d'important aussi dans le domaine de la prévention qui a évolué ces années. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, Jean-Louis Masse, c'est-à-dire la compréhension de ce que sont les signaux d'alarme, que sont les AIT pour accident ischémique transitoire. Alors, j'aimerais bien que vous définissiez l'un et l'autre, puis on va entendre un reportage dans quelques minutes sur la recherche sur ces AIT précisément. Mais ce que sont ces AIT et comment les discriminer? Parce que là, pour le coup, quand on a un AVC, c'est immédiat, vous l'avez dit, c'est subi. Les AIT, on a l'impression, quand on lit la liste, que ça peut arriver un peu à tout le monde. C'est pouf, je lâche quelque chose, je lâche un objet comme ça sans faire attention, ou d'un seul coup, j'ai une absence. Qu'est-ce que c'est qu'un AIT? Alors, c'est extrêmement simple. On peut vous amener vers une définition compliquée, mais ça ne sert à rien, et puis tout le monde n'est pas d'accord. Mais c'est extrêmement simple, c'est la même chose qu'un accident vasculaire cérébral. Ce sont les mêmes symptômes que vous avez décrits, que j'ai redécrits tout à l'heure, mais leur particularité, c'est de régresser très très vite, en quelques minutes. Quelques minutes ou quelques heures, peu importe. Alors après, il y a eu des définitions un petit peu complexes, c'est-à-dire que à partir du moment où l'imagerie cérébrale ne montrait pas d'infarctus cérébral, on appelait ça un AIT, et s'il y a un infarctus cérébral, on appelle ça un infarctus cérébral. Mais ça ne change rien sur le plan opérationnel. Sur le plan opérationnel, vous avez un symptôme de ce type-là, il régresse en quelques minutes, vous appelez le 15. C'est exactement la même chose. Mais Stéphanie Debette, ce sont des symptômes de la même amplitude que ceux que produit un AVC ? Est-ce qu'ils sont à peu près la même chose ? Ils peuvent être de la même amplitude, absolument. Oui, c'est la durée qui fait la différence. C'est la durée qui fait la différence, c'est pas l'intensité. Non, la durée. Vous pouvez avoir une aphasie pendant 2-3 minutes, ne plus pouvoir parler, ne plus avoir un discours compréhensible, ou bien une hémiplégie d'un côté qui va durer quelques minutes. C'est la même chose, c'est la durée qui est importante. Alors maintenant que l'on voit bien et qu'on comprend bien ce que sont ces AIT, justement, nous sommes intéressés dans le reportage du jour à la recherche concernant ces AIT. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes rendu dans une clinique qui est spécialisée dans la prise en charge de ces AIT à l'hôpital Bichat à Paris. Oui, il faut savoir déjà que les AIT, ça touche 40 à 50 000 personnes chaque année en France et qui sont souvent pas suffisamment pris au sérieux, vous le disiez, par les personnes qui les subissent du fait de l'aspect très passager de leurs symptômes. Les symptômes, on l'a dit, sont assez proches de ceux des AVC. Et pourtant, si ces AIT étaient pris en charge et si ces signes avant-coureurs étaient vraiment pris en charge par les patients, on pourrait éviter des AVC un peu plus graves. Donc pour comprendre tout ça, je suis allé rencontrer Pierre Amarenko, qui est neurologue et directeur du centre d'accueil et de traitement de l'attaque cérébrale à l'hôpital Bichat. Il nous explique comment cette clinique, qu'il appelle et qu'on appelle plus communément SOS AIT, prend en charge les personnes qui subissent ces AIT et pourquoi il est important de suivre ces personnes au-delà de l'année qui fait suite à l'AIT, les risques de subir un AVC après un AIT restant constant jusqu'à 5 ans après l'accident. Le constat de départ, c'est que d'une part, 25% des AVC se présentent avec un antécédent d'accident ischémique transitoire, c'est-à-dire des symptômes qui n'ont pas duré, qui sont survenus brutalement, qui ont duré quelques secondes ou quelques minutes, que les gens ont négligé, et puis, soudain, ils refont le même épisode, mais cette fois-ci, cela dure, et c'est un AVC. Et donc, toutes les opportunités qui s'offrent à nous de combattre la possibilité de cet AVC est la bienvenue. Or, au début des années 2000, il a été démontré que donc 25% des AVC sont précédés d'accidents ischémiques transitoires, et comme nous ouvrions le service de neurologie de Bichat en 2001-2002, nous avons programmé de pouvoir prendre en charge ces patients immédiatement, de sorte à ce que, dans les quelques heures qui suivent l'accident ischémique transitoire, nous intervenions pour faire le diagnostic en urgence, trouver la cause, traiter la cause et ainsi éviter l'AVC. Le risque d'AVC ou d'infarctus du myocarde est très élevé chez ces patients à 3 mois. Donc nous avons mis en place cette clinique d'AIT et en 2007, nous avons publié les résultats dans un journal qu'on appelle le Lancet. Et nous avons observé que nous diminuions le risque d'AVC à 3 mois de 80%. Comment vous avez fait pour justement réduire ce risque d'AVC ? Quel accompagnement a été proposé aux personnes qui avaient subi un AIT et qui ont été pris en charge par vos équipes ? C'est rien d'autre que ce qui était déjà recommandé, c'est-à-dire la découverte en urgence de la cause et le traitement tel qu'elle est recommandée par les sociétés savantes, à savoir un traitement qu'on appelle antithrombotique qui évite la formation des caillots, un traitement antihypertenseur, un traitement contre le cholestérol, contre le diabète lorsqu'il y en a un, arrêter le tabac lorsque les gens fument, et puis toutes les autres recommandations d'usage, manger peu salé, faire de l'exercice physique et réduire le surpoids, qui est un énorme problème, comme vous le savez. Tout cela fait de façon urgente, diminue le risque d'AVC. Donc en 2007, nous en étions là, et nous avons voulu voir, avec les recommandations internationales qui se sont mises en place, si le développement de ces cliniques d'AIT permettait de retrouver les mêmes résultats que ce que nous avions trouvé à Oxford et à SOS AIT à Paris. Et nous avons publié les premiers résultats dans le New England Journal of Medicine en 2016, avec le suivi à 3 mois et à 1 an, qui montrait que, en effet, nous avions un risque de récidive qui était bien inférieur à ce qui était observé au début des années 2000, lorsque les patients étaient pris en charge dans les cliniques d'AIT à travers le monde. Tout récemment, le 16 mai, nous avons rapporté à nouveau dans le New England Journal of Medicine le risque à 5 ans, qui montre que ce risque n'est pas nul du tout, puisque globalement, la moitié du risque survient dans la première année qui suivit l'AVC, et l'autre moitié du risque survient entre 2 ans et 5 ans après l'AIT. ce qui va un peu contre l'idée fausse, finalement, qu'après un AIT, le risque était très important dans les trois premiers mois, et puis ensuite, il avait tendance à être plutôt en plateau. Et en fait, ce que nous montrons, c'est qu'il n'est pas du tout en plateau, mais qu'il continue d'augmenter, puisque sur les 13% de risque, il y en a 6,5%, la moitié, qui surviennent entre la fin de la première année et la cinquième année. Donc voilà la chose importante, et le message derrière ça, c'est de dire il faut prendre les patients en charge dans les cliniques d'AIT pour réduire le risque immédiat, et pour le risque à long terme, il ne faut surtout pas baisser la garde. Il faut continuer les mesures de prévention pendant 5 ans, et c'est sans doute au-delà de 5 ans. Et puis, c'est aussi un message pour les chercheurs, ceux qui veulent encore réduire ce risque résiduel. Et donc, il y a des pistes pour diminuer ce risque. D'une part, faire en sorte que les patients adhèrent au traitement. C'est pas évident. On sait que plus de 50% des patients ne prennent pas les traitements qu'on leur prescrive. Pour cela, nous avons développé, en parallèle de la clinique d'AIT, nous avons développé un programme que l'on appelle Stop AVC, pour suivi et éducation thérapeutique pour optimiser la prévention après un AVC. Et puis, le dernier message, c'est qu'il faut développer les cliniques d'AIT en France. Il faut que des SOS AIT se développent un peu partout en France. Nous avons calculé que si les AIT étaient pris en charge dans des structures d'urgence, on pourrait diminuer de plus de 5000 AVC chaque année en France. Donc c'est très efficace. Il faut développer les cliniques de prévention et notamment les cliniques d'AIT pour éviter l'attaque cérébrale. C'est ça le point majeur. Et puis après, un dernier message, si on peut en trouver un autre, et surtout une voie de recherche, c'est que j'ai commencé par dire que 25% des AVC sont précédés d'AIT, ce qui veut dire que 75% ne le sont pas. Hein, l'AIT, c'est un peu la fumée du volcan avant l'explosion. Mais quand les patients font un AVC comme ça, sans prodrome, sans signe annonciateur, comme peut l'être l'AIT, eh bien là, on ne peut que constater des dégâts. Donc notre rôle maintenant, neurologues vasculaires qui veulent encore diminuer ce risque d'AVC, combattre le risque d'AVC, c'est d'essayer de trouver les facteurs qui favorisent l'AVC, ces 75% d'AVC qui surviennent comme ça spontanément. Et pour cela, je pense que la médecine connectée nous aidera beaucoup. Voilà ce reportage du jour dans cette clinique SOS AIT à l'hôpital Bichat à Paris. Une réaction à ce que vous venez d'entendre l'un l'autre, Stéphanie Debette ? Alors oui, je pense que le résultat de cette étude rappelle l'importance de la prévention et de la prise en charge aussi optimale pour les accidents ischémiques transitoires que pour les accidents vasculaires cérébraux constitués. Et puis un autre message important qui émane de cette toute dernière étude du professeur Amarenko est que, comme il le dit lui-même, il ne faut pas baisser la garde. Le traitement de prévention, qu'on appelle de prévention secondaire après la survenue d'un tel événement, ne doit pas s'arrêter au bout d'un an, deux ans, il doit être poursuivi à vie. Ça, c'est un élément très important, et comme il le soulignait également, un problème récurrent auquel nous sommes confrontés, la mauvaise observance des traitements et le fait que les patients arrêtent pour des raisons diverses leur traitement au bout d'un certain moment. Et en particulier dans cette étude, je crois qu'à un an, 90% des patients prenaient un certain traitement fluidifiant le sang anti-agrégant plaquettaire, alors qu'au bout de 5 ans, il n'y en avait plus que 70%, ce qui explique une partie également du risque de récidive. Jean Lemas. Oui, j'ai pas grand chose à rajouter, hein. C'est la prise en charge de l'accident vasculaire. C'est vrai que l'AIT amènerait à être moins observant, peut-être, du fait du côté un petit peu transitoire, enfin du côté transitoire et sans gravité de l'événement lui-même. Mais c'est vrai que c'est le meilleur signe avant-coureur, en définitive, d'un infarctus cérébral. Alors après, Pierre Amarenko tient beaucoup l'organisation clinique AIT, parce que sa clinique marche très très bien. Mais aujourd'hui, la haute autorité de santé, enfin depuis un certain temps, recommande que ces patients soient pris en charge dans des unités neurovasculaires, en appelant le 15 comme pour un voilà, infarctus cérébral. Les UNV, c'est dans les unités voilà, qui traitent les AVC, on va en reparler. Alors après, c'est une question d'organisation, et c'est vrai qu'un patient qui a un AIT n'a pas besoin d'occuper un lit du ZNV, qui est un lit de patients graves. En revanche, il a besoin d'avoir les mêmes explorations pour pouvoir débuter un traitement rapidement. Que ça s'organise dans une clinique ou dans un autre système, l'essentiel est le résultat. Et la prise en charge. On entendait juste à la toute fin du reportage, mieux détecter les AIT via la médecine connectée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quoi? C'est une montre? Ça veut dire quoi? Oui, je ne sais pas ce que Pierre Abaraco avait en tête, hein, mais c'est vrai que la médecine connectée va permettre de détecter éventuellement des anomalies du rythme cardiaque, par exemple, ou des indicateurs qui sont des indicateurs infracliniques que le patient ne peut pas rapporter. L'objet connecté sera informé et pourra éventuellement amener à de la prévention. C'est un vrai domaine en développement, mais je ne connais pas d'application très pratique aujourd'hui. Stéphanie Debette, sur la médecine connectée qui pourrait prévenir, justement, qui pourrait découvrir, lire un certain nombre de signes qui ne sont pas des signes cliniques, qui sont asymptomatiques ou très peu. Alors, je crois que c'est très nouveau. Je pense que là où la médecine connectée peut être très performante, probablement, c'est dans le monitorage des facteurs de low monitoring, des facteurs de risque vasculaire, et notamment, en effet, dans la surveillance des chiffres de pression artérielle ou des taux de glycémie. Donc, ça se développe beaucoup dans ce domaine-là pour essayer d'obtenir en continu un meilleur contrôle des facteurs de risque vasculaire. La méthode scientifique, Nicolas Martin. The lunatic is on the grass. The lunatic is on the grass. Remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. Open many years too soon. And if there is no room upon the hill, and if your head explodes with dark bones too, I'll see you on the dark side of the moon. Is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. Brain Damage de Pink Floyd à 16h, bientôt 40 minutes sur France Culture, puisque nous parlons tout au long de cette heure, de ces accidents au cerveau, de ces brain damage que sont les accidents vasculaires cérébraux. Nous en parlons avec Stéphanie Debette, qui est professeure d'épidémiologie à l'Université de Bordeaux, directrice de l'équipe maladies vasculaires et neurologiques, épidémiologie intégrative et génétique au centre INSERM U1219, et avec Jean-Louis Mas, qui est professeur de neurologie à l'Université Paris-Descartes et chef de l'équipe de recherche INSERM 894, accidents vasculaires cérébraux, déterminant du pronostic et apport de l'imagerie, et président de la Fondation pour la recherche sur les AVC. On l'a dit tout à l'heure, j'aimerais qu'on parle maintenant un peu de la prise en charge au moment des AVC, et surtout de la prise en charge a posteriori, et on l'a entendu pour les AIC, de la prise en charge à moyen et à long terme. Aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, il y a une méthode toute nouvelle qui est la thrombectomie, qui consiste à aller enlever directement le caillot. Quels sont les le caillot de sang qui a été bloqué dans le cerveau. Quelles sont justement les évolutions de la prise en charge des AVC qui ont eu lieu ces dernières années? Est-ce que cette prise en charge peut encore être améliorée selon vous, Jean-Louis Masse? Oui, bien sûr, les progrès sont constants. Pour le traitement des infarctus cérébraux à la phase aiguë, il y a plusieurs pistes d'amélioration. Vous l'avez bien compris, c'est libérer l'artère le plus vite possible pour sauver de la pénombre. Alors, il y a un premier type d'approche qui consisterait... La pénombre, rappelons-le, c'est sur les neurones qui n'ont pas été détruits, mais qui sont mal irrigués, qui ne fonctionnent plus. Voilà, et qui sont récupérables, et surtout, qui sont récupérables. Et donc, une des pistes thérapeutiques serait de geler la pénombre, c'est-à-dire d'arrêter sa progression. Cette pénombre, tant que l'artère n'est pas revascularisée, devient de l'infarctus peu à peu. Donc, l'idée, par des moyens divers et variés, neuroprotection en quelque sorte, mais pas uniquement la neuroprotection chimique, serait de geler la pénombre pour permettre, d'une part, pour augmenter la fenêtre thérapeutique, et d'autre part, pour diminuer la taille de l'infarctus final lorsque la revascularisation interviendra. Donc il y a pas mal de recherches dans ce domaine actuellement, avec un essai qui va démarrer bientôt sur de l'oxygénation, la phase très très aiguë de l'infarctus, qui peut se faire dans le camion du SAMU ou dans le camion des pompiers, par exemple. Voilà une... Mais de l'oxygénation qui passerait par quelle voie, par exemple? Par masque. Masque, d'accord. Voilà, c'est juste la suroxygénation pour être sûr... Tout à fait, avec des techniques un peu particulières, mais qui permettraient de protéger la pénombre en lui apportant un surplus d'oxygène dont il est malheureusement privé, par l'occlusion artérielle. D'accord, donc des méthodes non-invasives, donc non chimiques non-invasives. Tout à fait, il y en a plusieurs qui se développent dans ce domaine, mais qui ne sont pas aujourd'hui, on n'a pas aujourd'hui la preuve de leur efficacité. D'autres possibilités, c'est d'améliorer les produits chimiques thrombolytiques. Thrombolytiques, qui dissolvent le caillot. Et il y a certains adjuvants à la thrombolyse qui permettraient de faciliter. Il y a eu un travail récent de l'équipe de Caen là-dessus, dont vous parliez, je crois, en introduction, qui permettra peut-être de faciliter la lyse du caillot. Et puis il y a tout simplement aussi une stratégie qu'on va essayer de mettre en place à Paris, qui est non pas de faire venir le patient dans l'unité neurovasculaire, mais que l'unité vasculaire aille chez le patient. C'est ce qu'on appelle une unité neurovasculaire mobile, c'est-à-dire un camion qui est équipé d'un scanner, d'un laboratoire de biologie, d'une communication avec le radiologue, etc., etc. Ce qui permet d'aller chez le patient en cas d'alerte, de décider si c'est un candidat à la thrombolyse, si c'est un candidat à la thrombectomie, et de, partant, de le diriger vers l'unité neurovasculaire la plus adaptée à la présence ou non d'une occlusion artérielle en particulier. Donc on devrait démarrer cette étude sous forme d'un essai thérapeutique pour savoir précisément si cette stratégie est meilleure que la stratégie standard qui consiste à appeler le SAMU qui va chercher ou qui fait transporter le patient jusqu'à l'unité neurovasculaire. On n'en est pas encore à la thrombectomie à domicile. Thrombectomie à domicile, je pense que ça sera C'est l'opération. Peut-être un mot, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, Jean-Louis Masse, mais peut-être un mot sur cette technique qui est une technique de chirurgie de pointe, de chirurgie vasculaire extrêmement pointue, qui a fait son apparition aujourd'hui et qui s'est répandue il y a très très peu de temps, il y a 3 ans à peine, Stéphanie Lebette. Oui, alors on ne parle pas tout à fait de chirurgie, c'est plus une technique endovasculaire, oui. C'est-à-dire que ce sont d'ailleurs souvent des neuroradiologues spécialisés, ou de plus en plus, ça dépend des pays, aussi certains neurologues acquièrent cette compétence également, donc qui interviennent par une voie endovasculaire. Donc on entre un cathéter dans une artère et on l'amène jusqu'à l'artère qui est occluse. Donc c'est justement pas tout à fait chirurgical. Mais en effet, c'est une technique qui a fait ses preuves déjà depuis très nombreuses années dans le domaine cardiovasculaire, dans l'infarctus du myocarde, et qui était plus difficile à appliquer au niveau cérébral en raison de la complexité du réseau vasculaire et du lien avec le tissu cérébral adjacent. Et donc, mais ces dernières années, en effet, thérapie est devenue accessible également pour les accidents vasculaires cérébraux et avec un bénéfice majeur pour les patients. Oui, Jean-Louis Masse. Et elle oblige un petit peu à réorganiser l'offre de soins, parce qu'en définitive, sur les 140 unités neurovasculaires aujourd'hui, à peu près 140 disponibles en France, 40 d'entre elles sont appelées des UNV référentes parce qu'elles ont sur place la neuroradiologie interventionnelle et aussi la neurochirurgie pour d'autres complications des accidents vasculaires cérébraux, ce qui oblige à un algorithme de décision qui est parfois complexe. Et une piste de recherche, c'est aussi d'arriver très tôt à déterminer si le patient a une occlusion artérielle, pas forcément par de l'imagerie, peut-être par des échelles cliniques, peut-être par d'autres méthodes qui permettent de sélectionner les patients qui doivent aller vers un endroit où il y a un neuroradiologue interventionnel qui est prévenu, la table est prête pour faire. Voilà, ça fait gagner du temps et on a vu que le temps c'est du cerveau. Le temps, c'est du cerveau, effectivement. Et l'étude que vous évoquiez pour quand, c'est l'étude sur, paradoxalement, une molécule d'un sirop contre la toux, qui s'appelle la N-acétylcystéine et qui lise le mucus qu'on peut avoir dans la gorge et qui pourrait avoir aussi un effet lisant sur les protéines qui s'agglutinent dans les caillots de sang, c'est ça ? Exactement, c'est exactement la façon dont on peut le définir. Et c'est une étude qui a été financée en partie par la Fondation pour la Recherche sur les AVC, donc on est particulièrement content d'avoir aidé cette étude de l'équipe de Caen et du professeur Vivien. À quelle phase aujourd'hui ? Elle est à la phase où les porteurs de projets sont en train de rechercher un moyen de faire un essai thérapeutique de phase 2 pour passer après à l'étude de phase 3. Donc il y a... c'est toujours pareil, à partir du moment où une molécule est intéressante, elle doit passer un certain nombre d'étapes et vous savez, ça prend malheureusement pas mal de temps. J'aimerais qu'on parle également de la survie, puisque heureusement le taux de survie s'améliore en ce qui concerne les AVC. Il s'est largement amélioré ces 20 dernières années, par exemple, Stéphanie Debette. Oui, en effet, c'est le bienfait en grande partie des unités neurovasculaires qui prennent en charge de façon globale les patients à la phase aiguë des accidents vasculaires cérébraux et aussi grâce à ces techniques que nous avons évoquées au traitement à la phase aiguë qui a précédé le traitement endovasculaire qui était la thrombolyse qui a également très significativement amélioré la survie et le devenir des accidents vasculaires cérébraux. Quels sont les chiffres épidémiologiques dont on dispose aujourd'hui sur la survie à un an après un AVC à peu près ? On sait, on a quelques chiffres, Jean Lumas ? On est aux alentours un an. Ça perturbe un petit peu parce que c'est 30% grossièrement, un an, 25-30%, tu es d'accord avec ce chiffre-là. 30% de patients décédés un an. Oui, c'est ça, un an. Ça veut dire 70% de patients qui survivent. Voilà, mais il y a beaucoup de personnes âgées. Ce qui a diminué, c'est la mortalité de l'AVC, c'est-à-dire immédiate de l'AVC, parce que il y a une mortalité qui se rajoute, qui est une mortalité liée aux facteurs de risque, liée à d'autres choses. Et donc, la mortalité à la phase aiguë a diminué. Ça, c'est un point important, c'est le bénéfice des unités neurovasculaires, de la thrombolyse, la thrombectomie et des différents traitements qui sont apparus ces derniers temps. Tout à fait. Donc là, il y a beaucoup d'efforts qui portent sur la rééducation, sur le fait de diminuer la part de séquelles que les patients qui souffrent d'un AVC obtiennent. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on travaille au long cours, outre la réduction des risques secondaires, c'est-à-dire des risques après la crise, comment est-ce qu'on traite des patients pour améliorer leurs chances de survie et éviter la récidive, parce que quand on a fait un AVC, il est tout à fait probable qu'un second AVC se produisent dans les mois ou les années à venir. Stéphanie Debette. Alors, tout à fait. Alors, je crois que ce sont deux questions différentes. Vous évoquez la rééducation et la prévention secondaire. Et ce sont deux approches différentes. Donc, la prévention secondaire, c'est ce que nous évoquions précédemment et ce qu'évoquait le professeur Amarenko dans le petit reportage. C'est en effet de supprimer ou de traiter les facteurs de risque vasculaire, donc l'arrêt du tabac, la prise en charge optimale de l'hypertension artérielle, du diabète, perdre du poids, etc. Donc, ça, ce sont des actions pour la prévention de récidive d'accidents vasculaires cérébraux. On peut juste rappeler en un mot, excusez-moi de vous interrompre, que le tabac, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas suffisamment insisté, le tabac est un facteur extrêmement aggravant pour le risque de faire des AVC. C'est un facteur de risque vasculaire au sens large très important, qui augmente le risque d'AVC, mais aussi d'infarctus du myocarde, d'artérite des membres inférieurs, donc c'est un facteur très très important. Et arrêter le tabac, ça permet de faire rediminuer les risques très rapidement, par ailleurs. Absolument. Pour encourager nos auditeurs à arrêter de fumer. Quand on arrête de fumer, les risques de faire un AVC diminuent très vite dans les premiers mois. Absolument, les effets vasculaires sont très rapides. Et puis il y a bien sûr aussi les traitements qui empêchent la survenue d'un caillot sanguin et donc les traitements qui fluidifient le sang, soit à type d'antiagrégant, comme de l'aspirine par exemple, ou dans certains cas de figure, des traitements anticoagulants plus puissants qui sont parfois administrés quand il y a une arythmie cardiaque, par exemple. Donc ça, c'est dans le champ de la prévention secondaire. C'est ce qui va prévenir la survenue d'une récidive. Après, la question de la rééducation est différente. C'est celle le champ de la rééducation est tout ce qui permet d'optimiser la récupération suite à la survenue d'un déficit neurologique et donc d'accélérer, d'améliorer le taux de récupération. Et donc, pour l'instant, les traitements validés, je dirais, sont principalement non médicamenteux, à savoir la kinésithérapie, la rééducation orthophonique. Et elle est d'autant plus efficace qu'elle est conduite dans un environnement spécialisé, dans des services de rééducation spécialisés. Et, voilà, c'est fait un bénéfice important pour les patients de pouvoir... On dit que, enfin, les chiffres dont je dispose sont que 60% des patients récupèrent une indépendance fonctionnelle, ce qui est quand même un taux très élevé. Oui. Jean-Louis Mas. Oui, tout à fait. C'est pas assez. C'est pas assez, mais c'est un taux. C'est un taux relativement élevé. Ils récupèrent une autonomie fonctionnelle. Une autonomie fonctionnelle reste à peu près 40% de patients, des survivants à un AVC, mais encore une fois, la mortalité à la phase aiguë a diminué, qui restent dépendants pour une telle ou telle fonction. Et ça, c'est quand même très lourd. Essentiellement pour des hémiplégies. Oui, c'est les gros handicaps. Oui, c'est ça. Les gros handicaps, hein, vous les avez cités. Les deux gros handicaps, c'est l'hémiplégie, c'est Keller, en particulier la spasticité. Mais il y a des traitements pour ça, mais elle reste quand même importante et très impliquée dans l'autonomie. Et puis l'aphasie. Les aphasies sévères empêchent de retravailler, par exemple, ou de communiquer. Enfin, c'est une complication qui est lourde. On peut d'ailleurs s'étonner un petit peu qu'il y ait une récupération de l'accident vasculaire cérébral, parce qu'en définitive, on détruit une zone du cerveau et on assiste toujours à une certaine récupération qui est cette capacité extraordinaire qu'a le cerveau à réorganiser ses circuits pour s'adapter à une situation qui est celle de l'AVC, c'est ce qu'on appelle, vous savez, la plasticité. La plasticité cérébrale, j'allais vous y amener. Voilà. Là, pour le coup, il y a effectivement, c'est un champ neurobiologique dont on découvre de plus en plus qu'il est effectivement assez surprenant et que des cerveaux lésés arrivent à se réorganiser et à contourner, pas toujours, mais en partie. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès dans cette connaissance de la plasticité synaptique et cérébrale, Stéphanie Debette. Oui, alors c'est un petit peu en dehors de mon champ d'expertise, je me permets de l'ajouter. Bien mais sûr. En effet, oui, c'est quelque chose, c'est un concept qu'on connaît de très longue date, mais on a de plus en plus de moyens, en particulier d'imagerie ou d'autres techniques de mesure, notamment électrophysiologiques, qui permettent en effet de mieux appréhender les mécanismes de cette plasticité cérébrale et d'étudier également l'impact de certaines stratégies thérapeutiques. Pas forcément médicamenteuses, hein, qui peuvent être d'autres natures, sur la stimulation de cette plasticité cérébrale. On sait par ailleurs que cette plasticité cérébrale, on peut aussi la stimuler de façon médicamenteuse, on sait qu'on peut l'encourager, même si avec des résultats. Le premier traitement, c'est la rééducation. On a même des preuves qu'en faisant de rééducation avec l'imagerie fonctionnelle dont tu parlais, on voit se mettre en place des zones, activer des zones qui ne s'activaient pas auparavant. Donc la rééducation, c'est la première étape. Alors, il y a des médicaments, parmi les médicaments qui peuvent stimuler expérimentalement, en tout cas, mais aussi chez l'homme, pour certains d'entre eux, il y a les amphétamines et il y avait des antidépresseurs. Certains types. On peut donner le nom de la molécule. Voilà, qui était la fluoxétine. Voilà. Mais il y a eu un essai, mais cet essai n'a pas été reproduit. Et aujourd'hui, on ne sait pas quel est le rapport bénéfice-risque de traitement antidépresseur à la phase aiguë d'un infarctus cérébral. Ils sont donnés s'il y a une dépression, c'est clair. Mais or, la dépression est un des effets secondaires. Tout à fait. Mais on les donne quand il y a une dépression, pas en prévention de la dépression. Parce que si ça avait marché si ça favorisait la récupération fonctionnelle, c'était un médicament idéal qui prévenait à la fois la dépression et était utile dans ces cas-là. Il y a pas mal de choses qui sont en cours de développement. Il y a toutes les stimulations dont vous parliez, stimulation magnétique, transcrânienne dont on parle beaucoup, dont on a parlé au cours de cette émission exactement, à plusieurs reprises. Voilà, tout à fait, où on peut stimuler un côté ou l'autre côté pour améliorer et provoquer une activation. Il y a des techniques d'imagerie mentale, vous savez, un petit peu comme les sportifs, puisque les zones activées sont les mêmes lorsqu'on imagine un geste que lorsqu'on le fait. Les sportifs font beaucoup ça pour répéter un mouvement, des danseurs, etc. On a recours aux jeux vidéo aussi. Des jeux vidéo. De plus en plus, voilà. Ça, c'est des méthodes assez récentes et qui ont une efficacité à tester. Alors, ils ont une efficacité, semble-t-il, lorsqu'ils sont associés à la rééducation classique. Pour l'instant, il n'y a pas de preuves, vous savez, des preuves par des essais thérapeutiques de phase 3 qui prouvent vraiment une efficacité, mais c'est des techniques qui sont en train de se développer, comme la réalité virtuelle qui est dans le même champ. Et puis, un des derniers champs, c'est la thérapie cellulaire qu'on voit poindre un petit peu quand même à l'horizon, avec l'injection de cellules souches, que ce soit par voie intraveineuse, intra-artérielle ou bien localement dans la zone infarctie. On est au stade des essais. Il y a des essais chez l'animal, chez l'homme. Il y a plusieurs essais qui démarrent dans le monde chez l'homme. Alors il faut c'est-à-dire voir deux choses. C'est-à-dire pour expliquer aux auditeurs, on injecte des cellules non différenciées, exactement, des cellules reconfigurées ou des cellules souches, quelles qu'elles soient, de telle sorte qu'elles puissent reconstituer du réseau neuronal à l'endroit lésé. Alors c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire que les premiers essais qui sont en cours, il y en a un qui va démarrer en Europe, coordonné par une équipe de Grenoble. Il y a l'injection de cellules souches par voie veineuse, par exemple. L'idée, c'est qu'un certain nombre de ces cellules aillent se fixer dans la zone. Phase assez précoce, et favorise la mise en place de la plasticité, si vous voulez, par les substances qu'elles vont libérer. L'autre étape que vous évoquiez, qui serait merveilleuse, c'est de pouvoir reconstituer le circuit complet, etc. Mais il faut imaginer qu'il faudrait que ces cellules souches reconstruisent tout un circuit allant jusqu'à un membre, par exemple, pour le commander. C'est loin. Mais il y a encore de la science-fiction, mais on travaille dessus. Ah, il y a des chercheurs qui travaillent sur cette science-fiction en essayant d'avoir des modèles qui calibrent la pousse des neurones, etc. Enfin, il y a plusieurs techniques, ce sera un petit peu compliqué d'y rentrer, mais c'est de la science-fiction qui peut-être verra le jour. À moyen terme. Peut-être pour conclure, puisqu'on arrive dans les dernières minutes de cette émission, aujourd'hui, rappeler deux, trois choses importantes, parce qu'encore une fois, on a tous, les AVC touchent beaucoup, beaucoup de monde. On disait un mot sur le tabac à l'instant. Quels sont vraiment les quelque chose que l'on peut faire autour de nous, pour nous-mêmes, pour réduire significativement les risques d'avoir un AVC, outre, on a bien dit ce qu'il fallait faire en cas de symptômes, mais pour diminuer ces risques, rappeler quelques conseils simples. Oui, le risque se calcule. Il y a maintenant des petits calculateurs que vous trouvez sur Internet qui peuvent vous calculer le risque d'AVC. C'est pas forcément rassurant parfois, on peut essayer d'en trouver un pour le mettre sur le fil Twitter, mais c'est toujours des tests un peu difficiles, délicats à faire quand même. Oui, mais ça informe sur ces risques et les facteurs de risque. On rentre là dans le domaine de la prévention primaire, que Stéphanie a évoqué il y a un instant. C'est vraiment le gros de l'efficacité, c'est les facteurs de risque. Il y a eu un certain nombre d'études épidémiologiques internationales qui ont montré que si l'on réduisait les 10 principaux facteurs de risque, on réduirait de 90% l'incidence des accidents vasculaires cérébraux. C'est peut-être un petit peu simpliste, mais ça vous montre bien le poids de ces facteurs de risque qu'on a vus. C'est les facteurs de risque médicaux, hypertension, etc. Et les facteurs de risque liés au style de vie. Au style de vie, avec des facteurs d'ailleurs émergents, comme la pollution atmosphérique, comme d'autres facteurs psychosociaux qui sont en train d'apparaître. Et donc, c'est vraiment les réduire. Et la deuxième chose, c'est de savoir réagir. Enfin, ça a été dit tout au long de votre émission, c'est savoir réagir en ne négligeant pas ces symptômes et surtout en ne faisant pas la politique de l'autruche. C'est de mettre la tête dans le sable et se dire c'est rien, il se passe rien, mais plutôt d'appeler le 15 très vite. Merci beaucoup. Je suis sûr qu'on va réussir à trouver ce simulateur de risque d'AVC. On va vous le mettre sur le fil Twitter de l'émission et comme ça, vous pourrez savoir qu'il faut effectivement bien arrêter de fumer ou arrêter de manger trop gras le midi et le soir. Merci en tout cas. Il n'y a pas que ça, refaire du sport. Bref, merci beaucoup Stéphanie Debette. Merci Jean-Louis Masse d'avoir accepté notre invitation. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Sarah Higemont, Saint-Vétienne, Noémie Daguet de Saint-Vulfre, Antoine Beauchamp, Céline Lausanne, Alexandra Longuet à la réalisation. Jean-Frédéric Salat technique. La suite de vos aventures sur France Culture dans un instant, c'est la nouvelle série documentaire comme chaque lundi qui va vous accompagner toute la semaine jusqu'à jeudi. Cette série, c'est une série de Pauline Mocor et de Diffy Mariani autour des engagés et des volontaires se battre pour des idées. Tout à l'heure, après le journal de 18h du Grain à Moudre, quand deux ennemis se rencontrent, qu'est-ce qu'ils se racontent? Voilà la vaste question qu'Hervé Gardette posera à ses invités. Et puis pour ce qui nous concerne, eh bien demain nous nous dirigerons vers le nord puis vers le sud, du sud au nord puis du nord au sud, puisque nous parlerons des pôles magnétiques de la Terre et de comment ils s'inversent de façon régulière, et peut-être même en ce moment même. Ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.